19h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Bienvenue dans Electric Shock, votre magazine métal du mardi soir. Comment allez-vous bien? Eh bien, ce soir, eh bien, c'est la dernière de l'année 2024. Et oui, puisque bientôt nous approchons de Noël. Donc, comme tous les ans, ce qui vous attend dans Electric Shock, eh bien, c'est des cadeaux. En veux-tu, en voilà. Le Père Noël est passé me voir il n'y a pas longtemps et il m'a déposé tout un sac avec plein de choses pour vous, chers auditeurs. Donc, il suffira pour ça d'appeler au 02 38 43 48 00 pendant toute l'émission. Enfin, ça, vous avez l'habitude. Tous les ans, c'est un petit peu la même chose. Sinon, en ce qui concerne le plaisir auditif de ce soir, eh bien, comme c'est la dernière de l'année, j'ai décidé quand même de vous gâter. Habituellement, vous avez à peu près 4 nouveautés. Là, ce soir, on va terminer avec 6 nouveautés quand même. Donc, on va faire vraiment un survol assez important quand même de tous les genres et sous-genres de mes styles musicaux préférés. Eh bien, si vous êtes bien installés, on va commencer tout de suite avec une de ces nouveautés. Là, c'est tout chaud, tout bouillant. C'est sorti vendredi. C'est le nouveau live de Helloween, live at Budokan. Enregistré donc à cet endroit mythique à Tokyo où tant d'artistes ont gravé des lives mythiques. On pense à MSG, Deep Purple bien sûr, Eric Clapton, Bob Dylan et j'en passe, et des meilleurs. Et là, c'était la première fois que le groupe allemand foulait les planches de cette salle mythique. Par contre, on pouvait se demander, c'est un petit peu tôt quand même de refaire un live puisque le précédent datait de 2019. C'était un live fabuleux pour la reforme. On va dire la reformation, on va dire le Helloween New Look, avec la réintégration de Kay Hansen et de Mikael Kiske qui faisaient leur grand retour pour une tournée vraiment fabuleuse. Entre-temps, on a eu un album studio avec fabuleux aussi. Et bon, ça, à la limite, ça ne me choque pas plus que ça qu'ils ressortent un live, justement. Et puis si vous êtes comme moi, si vous avez eu la chance de les voir à l'Olympia pendant cette tournée, ça vous rappelait de très très bons souvenirs. Donc tout de suite ce soir, ça va être le morceau phare. Qui va devenir, je pense, un classique d'Helloween, un très très long morceau fleuve, comme ils ont l'habitude d'en faire, c'est Skyfall, avec sa petite intro Orbit. Et donc, si vous voulez rafler un petit cadeau de Noël, n'hésitez pas, 02 38 43 48 00. fermant les yeux, je me recroyais encore à l'Olympia. C'était donc Skyfall, avec sa petite intro Orbit, extrait du double live à Budokan de Halloween, qui est tout chaud, tout bouillant, qui est sorti vendredi. Et c'est donc la première nouveauté de la soirée. Et puis, déjà, un petit cadeau de Noël distribué avec un fidèle auditeur que vous connaissez bien. Il s'agit de Chris de Prisma, organisateur du Creekfest, donc qui a raflé déjà un cadeau. Donc, si vous voulez faire comme lui, vous avez jusqu'à 21h. Et pour ça, il faudra appeler au 02 38 43 48 00. Continuons maintenant dans un registre plus blues avec le nouveau projet de Phil Mogg, l'ancien chanteur de UFO, et son nouveau projet Mogg's Motel, qui s'y reste quand même pas très éloigné de son groupe d'origine, nous montre quand même une facette quand même un peu plus soft que ce qu'il nous a fait d'habitude. Extrait donc de son album éponyme, on va se faire un petit truc sympa qui s'appelle Other People Lives. Thank you. other people's lives. Who's not a sinner? Who's not a preacher? Who's not a player? In this game we're just beginners. Who's not a teacher? Who will be under pressure? Come on, underrated. Time's up, see you later. Tell me who is it a loser? And who's not a power? In the end, doesn't matter. At a very darkest hour. All the earthling for a savior. Who do we trust to take us higher? Look around, we all liars. Masking the clothes, walking the wire. Tell me who is not a maker? Who's not a fighter? Will there be a winner when the fall is now over? Who's got the answer? Tell me if it's something else. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas passé les Parisiens de Little Detail, leur deuxième album Little Bit of Soul, qui est vraiment excellent. C'était Who's Got the Answer, avec un point d'interrogation. Juste avant, donc, nouveau projet de Phil Mogg, ex-chanteur de UFO, Mogg's Motel, avec son album éponyme, c'était How the People Lives. On va se faire une nouveauté, la deuxième de la soirée. Et là, on va changer complètement de registre avec les Français de Alta Rosa, groupe de post-metal. Donc, il vient de sortir son deuxième album, là, fin novembre, qui s'appelle donc Defiant Cure. Donc, c'est un mélange de death metal, de sludge, de plein de choses. Enfin, bref, c'est du méchant, mais c'est très très bien foutu et ça n'a rien à envier aux autres productions internationales, je trouve. Donc, extrait de cet album, on va se faire The Emperors. Et puis, je vous rappelle, 02 38 43 48 00. Ce petit décrassage auditif vous est offert par Electric Shock. Electric Shock tous les mardis soirs entre 19h et 21h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Bien évidemment, et ce soir, c'est la dernière de l'année, donc si vous voulez rafler un petit cadeau, téléphone 02 38 43 48 00, je vous le rappelle. À l'instant, donc, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas passé, donc les Parisiens de Camino Ikari et de leur deuxième album See You in Hell, sorti au mois d'octobre, et c'était Inside You. Juste avant Camino Ikari, c'était donc la deuxième nouveauté de la soirée avec Alta Rosa et son deuxième album A Defiant Cure, et vous avez eu droit au morceau The Emperors. On va continuer dans quelque chose de beaucoup plus soft, et pour ça on va revenir au live de Nickelback, sorti il y a très peu de temps. Et on va se faire le morceau qui les a vraiment rendus célèbres partout dans le monde. C'est quand Chad Kroeger, le chanteur, a été sollicité pour faire donc la bande originale du film Spider-Man. Il y a de ça maintenant, une petite vingtaine d'années. Et on va se faire donc tout simplement le morceau Hero. Extrait donc de Live from Nashville. I'm not gonna bien ça, ce petit côté folk. Copperhead Road et le classique Hero, donc deux extraits du Live from Nashville de Nickelback. Après ça, on va se faire quelque chose d'un petit peu plus musclé. On va se faire un petit peu de black metal, si vous voulez bien. On va revenir pour ça l'album de Time Lurker en prise. Et on va se faire un petit morceau instrumental qui s'appelle Fils Sacré. Et je vous rappelle 02 38 43 48 00 si vous avez envie de rafler un petit cadeau pour Noël. sacré, ça c'était un instrumental qui figure donc sur le dernier album de Time Lurker, Emprise. Eh bien, on approche de la première heure d'Electric Shock et on va se faire donc la troisième nouveauté de la soirée. Je vais vous emmener faire un tour du côté de Antibes, découvrir le groupe Tesuji. Alors Tesuji, c'est un nouveau tout en étant ancien, puisque Tesuji, c'est la rencontre de deux musiciens, Eddie Albert et Julien Delacroix, qui se sont rencontrés en 2004 et qui ont formé Tesuji en 2007. Il est sorti un EP en 2010 et après plus rien, et après une longue absence, ils reviennent au mois de novembre là avec leur premier véritable album qui s'appelle Mirage, qui fait dans le rock progressif. Alors si vous aimez les choses, bien sûr Dream Theater, mais des choses plus posées comme Genesis, plein de choses différentes, eh bien je pense que ça va vous plaire vraiment. Donc on va se faire le morceau qui donne son titre à l'album, c'est-à-dire Mirage, et avant la petite intro anecdote. Thank you. tranquille, ça. C'était la troisième nouveauté de la soirée, le groupe Tesuji et son album Mirage. C'était donc le morceau qui a donné son titre à l'album, avec sa petite intro anecdote. Eh bien, on attaque maintenant la deuxième heure d'Electric Shock, et puis on va se faire un petit chant de Noël, avec les franco-américains de Taraou, qui vous posent la question « Do you believe in Santa Claus ?» Si vous écoutez Electric Shock, forcément, puisqu'il y a des cadeaux à gagner au 02 38 43 48 00. Do You Believe in Santa Claus, extrait de The Last Chase, leur dernier album. Get crushed down. This time you're ready to The Story Ends, ça c'est un extrait du nouvel EP de Vis-à-Vis, The Art of Collapse. Un instant. Juste avant Vis-à-Vis, c'était Tara Who, j'insiste bien sur le point d'interrogation, avec son chant de Noël Do You Believe in Santa Claus, extrait du dernier opus The Last Chase. Et bien pour la quatrième nouveauté de la soirée pour Electric Shock, je vais vous emmener en Afrique du Sud, avec un incontournable de la scène métal américaine, bien sûr, avec Scissor. Scissor qui vient donc de sortir son 9e album, enfin il est sorti au mois de septembre, mais là je l'ai reçu il y a que quelques semaines, donc c'est une nouveauté pour Electric Shock. Alors Scissor, bah si aux États-Unis c'est qu'un poids lourd du métal alternatif, on va dire, en Europe, c'est loin d'être le cas, et c'est un peu dommage quand même, parce qu'il y a de très bonnes choses sur ce nouvel album qui s'appelle The Surface Seems So Far. Et on va tout de suite commencer avec Judas Mind. Et puis je vous rappelle que si vous avez envie de rafler un petit cadeau pour Noël, eh bien pour ça, il vous suffit d'appeler au 02 38 43 48 00. En attendant, écoutons-nous 6 heures avec son nouvel album. Yeah. Bien sûr, Radio Arc-en-Ciel 96.2 et vous écoutez bien Electric Shock, l'émission métal comme tous les mardis soirs entre 19h et 21h. Et ce soir, c'est la dernière de l'année 2024. Et oui, Electric Shock sera en vacances ce soir, donc profitez-en bien. Car maintenant, on se retrouvera que le 7 janvier. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ce soir, eh bien, il y a plein de cadeaux à gagner. Pour ça, il suffit d'appeler à la radio au 02 38 43 48 00. À l'instant, on a eu les Parisiens de Stubborn Trees et leur premier album The Stronger the Wind avec Waiting for the Rain. Et avant, venu d'Afrique du Sud, c'était le 9e album de Caesar et également 4e nouveauté de la soirée. Et extrait donc de cet album The Surface Seems So Fair, c'était Judas Mind. Et bien maintenant, on va revenir à l'album, deuxième album de Faraway, Solastagia, groupe de post-rock. Et on va se faire tout de suite Solastagia Part 2. Thank you. Child of the Wood et Solastagia Part 2, donc deux extraits du deuxième album de Faraway, Solastagia. Eh bien, on va attaquer la dernière demi-heure d'Electric Shock. Ça veut dire qu'il vous reste une demi-heure encore. Si vous voulez rafler, donc, un petit cadeau. Et on va se faire donc la cinquième nouveauté de la soirée avec un groupe qui nous vient d'Angleterre, qui s'appelle The Silent Era, qui vient de sortir son premier album début novembre, qui s'appelle Wide and Deep and Cold, donc tout un programme. Alors c'est un groupe très original, car il y a des morceaux très énergiques, envoûtants, il y a plein de choses. On pense aux Deftones par moment, on pense à plein de choses. On navigue entre rock, stoner, shoegaze, voire pop par moment. Toujours est-il qu'ils ont une chanteuse vraiment très versatile, avec qui a vraiment une très belle voix. Je pense qu'il y a du potentiel, parce que quand on sait que c'est que leur premier album. Et bien, je vous invite tout de suite à découvrir. Donc voilà, cinquième nouveauté de la soirée. Vendetta, extrait de Wide and Deep and Cold, The Silent Era. Yeah. can try and let you never really lose. Didn't put the powder in the keg of when it blew. I was sitting on the dynamite for you to light the fuse. Oh, looking like a criminal, sneaking in the dark, you're invisible. Hitting you, wrapped around my neck just like a tentacle. Acting like the truth and your opinion are identical, and I can't seem to let it go. Gagnant pour Linkin Park après 7 ans d'absence, album partout dans les tops, dans les charts partout dans le monde. Concert au Stade de France complet en même pas une heure, tête d'affiche au Hellfest, que demander de plus. Donc extrait de From Zero, c'était donc Cut the Bridge. Juste avant, venu d'Angleterre, et ça, à mon avis, c'est une belle petite découverte, le premier album de The Silent Era, White and Deep and Cold. Et là, on a pu avoir Vendetta. Et ça, je pense que dans l'année qui va suivre, on va en repasser, croyez-moi. Eh bien, je vous avais promis 6 nouveautés ce soir. Voici donc la dernière, avec un groupe qui nous vient de Poitiers, qui s'appelle Uncut, qui vient de sortir son deuxième album, qui s'appelle Space Cowboys. Alors, Uncut, il baigne plutôt dans le jus du classic rock, blues rock américain, assez moderne quand même, malgré tout. L'originalité du groupe en plus, malgré tout, c'est qu'il n'y a pas de guitare basse. Eh oui, la guitare basse est assurée par une guitare baryton avec une pédale d'effet. Enfin, bref, l'effet est assez saisissant. On va découvrir tout de suite extrait de cet album Space Cowboys, le morceau Rival in the Stadium. We'll be right back. Petit extrait d'Heavy Lifting, le dernier album posthume de MC5 avec Boys Who Play With Matches. Juste avant, c'était la dernière nouveauté de la soirée, les poids de vin de Uncut et leur deuxième album Space Cowboy, c'était Rival in the Stadium. Il vous reste encore une petite dizaine de minutes si vous avez envie de rafler un petit cadeau pour Noël. Je vous rappelle le numéro de la radio, 02 38 43 48 00. Eh bien, en attendant, on va revenir au EP de Ice Chemicals, The Pyre, Ice Chemicals, qu'on a eu la chance d'avoir à Orléans au Dropkick fin novembre, et qu'on retrouvera en interview dans Electric Shock en début d'année prochaine. En attendant, It's Been a Day, extrait donc de ce EP. Yeah. Surrender to the Fear Side, extrait de Pattern of an Imminent Collapse, c'était donc Dave Decline, et juste avant Ice Chemicals et son EP The Pyre, It's Been a Day. Eh bien, on va se faire un dernier morceau pour ce soir, le dernier de l'année. Et on va terminer avec un chant de Noël, bien sûr. Et puis, bah, le morceau qui va suivre, on va le dédier à quelqu'un de très important pour Electric Shock et aussi pour tous les amoureux de musique. C'est Roger de Planète Claire, le disquaire qui va fermer ses portes définitivement le 28 décembre prochain pour jouir d'une retraite bien méritée après 32 ans de présence. Et on va se faire justement un extrait d'un groupe qu'il adore, Status Quo. Et on va revenir sur un album, un de ses official bootlegs qui est sorti l'année dernière, le volume 2, enregistré à Londres en 2012, juste avant Noël. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les British ont fait un petit medley de Noël, donc dédié à Roger et à tout ce qu'il nous a apporté. Et puis donc, si vous avez encore donc quelques minutes, si vous avez envie de rafler un petit cadeau pour ce soir... Sleigh bells ring, I listen. In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight. Walking in a winter wonderland. Gone away is a bluebird. Here to stay is a bluebird. Christmas Medley, ben oui, petit chant de Noël pour terminer l'émission de la dernière de l'année. Extrait du Official Archive volume 2 de Status Quo, enregistré donc à Londres en 2012. Eh bien, merci à vous tous d'avoir suivi Electric Shock pour cette dernière de l'année. On se retrouvera l'année prochaine, bien sûr, avec plein de nouveautés, plein d'autres choses, et puis tout et tout. Je ne sais pas ce que l'ami Christophe, lui, nous a préparé pour ce soir, pour Noël. On va voir ça tout de suite avec lui. Salut. Qu'as-tu prévu pour Noël ce soir? Distribution de chocolat pour les auditeurs, quelque chose? En plus de la bonne musique? Ah, rien de spécial. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, ouais, effectivement, moi, c'est la dernière de l'année aussi. Ouais, cette house. On va finir par un truc un peu style Noël, mais... Puis on va commencer par un titre à moi, mais mis à part ça, rien de spécial. Bah si, déjà, quand même. Eh ben, vous savez ce qu'il reste à faire, la musique continue, c'est sur Radio Arc-en-Ciel. Maintenant, ratez pas Electro Live, la dernière de l'année. Yes. Je vous laisse en compagnie de Christophe. Salut à tous. Et à tout de suite.